vois du lune, tu fais des lunes de pure de mes lunes. Je les casse à le gang. T'es je le casse dans le gang, 9 à 2 i, fuck le young, fuck le ying. T'es pas dans cuisine, t'es pas dans les gangs. Tu nais dans les grands vins, t'es mort dans les villes. Défiez le du karma nu, on est vite. Blanc dans les vitres, à la barre, on est 8. Kilo de shit, Audi A8. Des petites fuites, des délits de fuite. Tu dors dans nos hôtels, dans la petite suite. J'aime ni le grand flic, ni la petite suite. 10 ans en centrale, ça passera vite. 10 ans en centrale, ça passera vite. T'as implanté la pute, tu me suis sur la pute. J'ai mal de gorille, tu vas te manger la chute. Je peux que la pauvre et je peux que la riche. Si tu cherches l'échec, tu demandes à ta riche. AK-47 dans ma boîte à malice. Je m'en bats les couilles, tous ces mahlish. Avant de manger tes morts, tu vas te manger la vitre. Noir et la liste, noir et l'artiste. Je viens de passer la Suisse, je viens de passer la 6. DUC, je confirme, on a touché la cible. T'es je confirme, on a touché la cible. Je les en, tu les en, tu les ainsi de suite. T'es pas sur OKLM, il faut changer de site. Éclave de métal dans fibre optique. Mes compatriotes ont un patriotique. Quelques likes, tu t'es antibionique. Je veux dire que tu arrêtes les antibiotiques. L'OAR n'a qu'à faire de l'acoustique. Début de carrière dans l'arrière-boutique. Silicone, pas besoin de sous-titres. Je les vois agoniser, pas besoin de sous-titres. 9 mm, car c'est préconisé. Kunta, Kinte, terrorisé. Le rap français, calodiroisé. Pillard, son bas, Claudia, son pédroisé. Sol, négro, je vais te coloniser. T'as zéro swag, zéro, on va te holomiser. Première dose gratos. Le bolon s'est fidélisé. Fatos locos, un porto dos, Athéna, Moses, Amigonos. Sur ma table, y'a une pute qui danse debout. Y'a ma paire de couronnes. La prochaine fois que tu veux me faire sous le head, sous l'envoi des voyous qui s'y connaissent. Cherche pas les clés de mon cœur, j'ai que les clés de la lampe. J'suis Akila Arco, niquer des mères c'est le scénario. Niquer des mères c'est le scénario. Niquer des mères c'est le scénario. Y'a mon seul plat dans l'enquête, content pas comme Aldine. Attila mon ancêtre, AK-47 fait toujours la deal. Y'a mon seul plat dans l'enquête, content pas comme Aldine. Attila mon ancêtre, AK-47 fait toujours la deal. Attila mon ancêtre.